Lying. Liney, j'ai quelques citations que j'ai déjà écrites, et puis c'est de mon cru. Comme je dis souvent, qui l'eût cru? La perle ustugru, qui lui a répondu avec Rénal Gagné, on est toujours perdu. Alors, il y a 5 ans, j'ai déjà dit, il faut rester calme malgré les envies. Petite famille bourgeoise recherche musique métal pour mieux se fondre dans l'art. Ça, j'ai dit ça quand? J'ai dit aussi il y a 5 ans. J'en ai étudié, j'en ai dit encore il y a 5 ans. C'est à travers les autres que quelquefois nous bondissons. Dernière, la nuit ancrée creuse le désir. Ah, une autre. C'est les abîmes. Sur les abîmes, excusez-moi. Sur les abîmes, il reste encore quelques sentiments. La première recherche vise à visualiser l'intérêt et l'autre saute dans la vie de l'autre. Je recommence celle-là. La première recherche vise à visualiser l'intérêt et l'autre saute dans la vie de l'autre. Dernière. Puis, ça fait combien de dernières que j'ai dit? Puis le sigle, puis, c'est moi qui les écris, heureusement. Puis se dirige que le temps. Oh, non, c'est pas très bon ça. On voit que tu trouves autant de chemins que de solutions. Là, c'est vrai, c'est la dernière. Dans le bloc opératoire, tout est soupir et voilà l'ultime espérance. Ah, les lundis se disent sans doute la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'avant-dernière, c'est autre chose, là. Les lundis se disent souvent la même chose. Alors, on peut déjà commencer, s'il vous plaît. Je demanderai à mes musiciens de commencer le générique. Un, deux, un, deux, un, un. On commence. Aujourd'hui, oh monsieur, aujourd'hui, le lundi 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mais c'est qu'aérien, c'est qu'aérien. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mon élan, la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande quoi moi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon élan, la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande quoi moi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval. Et je monte mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais, ouais, cher bébé, c'est loin des grands bouts d'Alon. Mais le long du grand Texas, j'ai cherché, ouais, je comprends. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mon élan, spécialité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Et voler, c'est pas beau. Monter la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Il y a un acteur et surtout un animateur de radio française qui s'appelle, qui s'appelait, mais qui s'appelle toujours José Arthur. Et il a déjà dit une très belle phrase sur la radio, surtout nocturne, notre heure à nous. Hein? Je veux dire, c'est pas la dernière heure, là. Il nous reste encore que 2 heures à vivre. Hein? Il dit, avec la radio, surtout la nuit, c'est pour ça que je vous avais dit la nuit, hein? Entre parenthèses. Non, c'est en guillemets. C'est avec la radio, virgule, surtout la nuit, virgule. Pas de guillemets, c'est virgule, OK? On recommence. On peut faire 2 heures avec ça, là. Avec la... Non, allô? Oui. Avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver. José Arthur. Il est né en 1927, oui, en 1927 et... nous a quittés en 2015. Il était sur France Inter presque à sa fin de vie. Et je l'écoutais. Son émission, c'était... Il y avait beaucoup de co-animateurs. C'était génial. En tous les cas, j'ai un blanc pour faire changement. Quoique j'adore les noirs. Gainsbourg disait, pourquoi chez moi, les murs sont peints en noir? C'est parce que dans les asiles psychiatriques, les murs sont en blanc. Et c'est de mémoire, là. Ma mémoire ne fait pas défaut. Et ça me surprend grandement parce que de plus en plus, non pas j'ai les bleus, mais j'ai des blancs. J'ai des blancs, pas de noir. Et puis, je n'ai pas un piano, mais là, me prends-tu pour un piano, Georgette? Et quand on s'est marié, hein, ce qu'on voulait, c'est avoir un piano à queue, pas d'enfant. Ah oui, le piano à queue, pourquoi? Parce que nous, on est des fervents admirateurs de la musique classique. Elle, c'est Chopin. Moi, c'est Schubert. On a fait le chou gras. Ah oui, on s'est procuré le piano de papa. Papa avait un Stingray. Oui. Piano à queue Stingray. Et puis, hey, là, quand j'ai eu la chance d'y toucher après la mort de papa, j'ai dit, papa, avant de mourir, papa, là, je ne vais pas te demander des choses en héritage parce que je trouve ça tellement déplacé. Et non. Si tu nous respectes, papa, tu sais que j'ai appris à jouer sur le Stingray, piano à queue, chez nous, dans le sous-sol. Avec Gaétane, qui elle faisait des ma. Et moi, je faisais tout doudou, tout doudou. Je sais, c'est pas du Chopin. Ah non, j'ai tout fait. Pas dans le sens d'étouffer, mais j'ai tout fait. Dans le sens de, ah ouais, donc, tout azimut, là. Hein. J'ai fait du jazz, du blues, du rock. Mais classique, la basse est classique. Ah, quand tu maîtrises le classique, tu peux aller tellement dans d'autres directions sans aucun problème. Le jazz, l'intérêt, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux improviser. Moi, c'est ça qui m'attire là-dedans. Et puis dans la chanson, j'ai fait un peu d'accompagnement. Oui, j'ai accompagné Barbara. Oui. Vous allez me dire, elle joue elle-même du piano. tout à fait raison, mais quelquefois, elle voulait que je l'accompagne. Et puis après ça, j'ai « Oh oui, Johnny Hallyday ». J'ai fait 2-3 chansons avec Johnny Hallyday en spectacle, oui, surtout les rappels. Il lâchait sa guitare, puis il voulait que je prenne le piano. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait dur longtemps. Non, non, mais j'ai accompagné aussi des gens pas très connus, mais qui connaissent, comme tous les artistes méconnus, ils méritent de l'être. Ah oui, il y en a, j'en connais, puis je veux pas vexer personne, parce que le but d'un chanteur ou d'une chanteuse ou d'une comédienne, comédienne pas connue, c'est de l'être un jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être connu? Tout a changé, là. Avant ça, c'était les disques. Hein? Tu faisais un disque, une tournée. Aujourd'hui, il n'y a plus de disques. Là. Plusieurs artistes fonctionnent à la chanson. Pas de concept, une chanson. Et il y a des plus radicales. Tu sais, même pas radicales, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'ancienne. Hein? Ils veulent se rattacher aux racines pour y rentrer. Puis envoyer 3-4 disques en Chine, tu sais, parce que les racines, c'est en bas, puis en bas, c'est la Chine. Non, mais c'est concomitant, c'est un bec verseur, dit l'enchanteur. Le bec verseur que j'ai eu la chance d'enchanter à un moment donné, parce que d'où sort la voix de la bouche, puis quand elle verse vers la poésie, l'amour et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit, c'est les sentiments, les ressentiments, le bourgeonnement, les vibrations internes et externes. Pas juste internes, externes, externes. Quand tu te mets à danser, tu bouges, là. Non. Puis même, Zachary, tantôt, là. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas beau. À demander la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire chaque jour que moi je vis. Vas-y, Zachary, on va chanter en plein plaisir, OK? On la recommence. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire chaque jour que moi je vis. On demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. Et j'espère de vivre mieux. Moi, je prends mon vignon. On la connaît, c'est merveilleux. Oh. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai accompagné des jazzmen, dont Diana Krall. Celle qui, oui, c'est celle qui dans le... On va se dire les vraies affaires, là, tu sais. Bon, je sais que ça intéresse pas les fervents musicologues ou les gens qui se greffent à l'œuvre sonore. Mais ça, les à côté, hein, les petites amourettes, c'est que Diana Krall, là, elle vit avec Elvis. Oui, monsieur, oui, madame, Elvis. Là, vous allez me dire, il est mort, pas celui-là, un autre Elvis. Elvis Costello, un être avec une voix extraordinaire, qui me plaît énormément au niveau artistique. Il est vraiment quelqu'un d'underground, tellement underground. On parlait des gens là, qui sont pas connus. Il n'est pas si connu que ça, là, Elvis Costello. Je pense que c'est le Elvis le moins connu au monde. Et non, c'est Elvis Gagné aussi. Est-ce que tu connais Elvis Gagné? Non? Voyons donc, toi. Oui. Oh, tu l'as pétri, oui. Oh, tu l'as mort. Pardon? Non, je regarde autre chose. Mais pourquoi pas? Moi, je fais plein de choses. Quand je fais des recettes, là, je peux regarder la radio. Puis là, je la regarde. Voyons donc, comment ça... Elle donne rien, tu sais, j'entends rien, ben oui, arrête de la regarder puis allume-la. Ah, mon, c'est vrai, hein? C'est bien beau la regarder, mais c'est pas la télé. La télé crée l'oubli. Ça vient pas de moi, ça vient de JLG. Qui est ce JLG? Voyons donc, c'est Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard disait ça, hein? Et la télévision crée l'oubli. La radio augmente l'imaginaire, attire les pourtours de l'imagination, amène les gens à une certaine intelligence. Et je dis certaine, parce que l'intelligence, c'est pas la même pour tout le monde. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire l'insignifiant en ce 8 juillet. Comment vous vous portez? Alors moi, je me porte sur mes deux jambes, mais ma femme, elle est en fauteuil roulant. Elle se porte très bien. Ah oui, ah oui, j'ai fait des petits plats parce que ça fait 2 ans là, qu'elle a, oui, elle a eu un coup dur. C'est que j'ai décidé de rester avec elle. Elle dit, oh non, ma patience va se mettre à ça. Non, je risque de... Ah, elle voulait pas. Elle voulait pas. Puis là, j'ai dit, mon chaton. Alors, ben là, elle dit, quand tu me dis mon chaton, là, ça m'attire le zigouillis sonore. Ah, ben là, je dis, quand ça t'excite, les zigouillis. Elle dit, j'ai pas dit excité. J'ai jamais dit le mot excité. C'est toi qui crées des choses que je n'ai jamais dites. J'ai dit, c'est peut-être pour ça qu'on s'aime. Ah, c'est peut-être pour ça. Tu sais, t'as peut-être raison. Comme ça, j'ai peut-être. J'ai pas peut-être. J'ai raison. Je suis avec toi parce que tu es la femme qui correspond le plus à ce que je veux avoir comme conjointe. Comme personne à qui je veux partager mon quotidien. Jour après jour, heure après heure, minute par minute, seconde par seconde, goutte par goutte. Je veux vivre avec nous le plus longtemps possible. Est-ce possible? Peut-on y arriver? Aimons-nous quand même. Aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous quand même. Aimons-nous malgré le jour. Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde où je suis né, la vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, y'a pas d'espoir. Quand on est mauvais comme moi, passe la bouteille, serre-moi un verre. Plus que je bois, plus je vois clair. Y'a pas d'avenir, y'en aura pas. Y'a que l'amertume et le tracas. Des fois je vois l'étoile rouge, j'entends l'appel, je sens le loup. Et au fusil, je suis le plus fort dans le pays. Ça m'a donné que de l'ennui, des points de suture et des ennemis. Jean Batailleur, je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a laissé. Reçu une belle frappe. En fait, j'ai reçu un courriel il y a quelques semaines, à la fin du mois de juin, avant que je quitte pour Paris. Et à chaque fois que je reçois des lettres, des courriels, je suis touché. Parce que, bon, vous êtes merveilleux, pas méchant, en tout cas, vous êtes... attentif. Et j'ai une dame qui s'appelle Sandra et qui m'a envoyé un début de texte véridique là, de Victor Hugo. Le texte s'appelle « Vœux » et elle m'a laissé trois lignes puis elle m'a demandé de continuer le reste. Alors, je vais voir où ça peut m'amener, mais quand je l'ai lu il y a quelques minutes, parce que je voulais attendre. Je l'attends parce que, bon, elle m'avait... Je vous dirai pas qu'elle m'a écrit parce que c'est personnel. Mais lorsqu'elle m'a dit que ce qui allait suivre, c'était le texte en question, j'ai dit, je veux pas m'imbiber déjà. Je veux... Quand on improvise, c'est maintenant, OK? Tu prends le mot, tu viens de l'apprendre, hein, bon, et tu y vas. Mais bon, je l'ai lu, mais je me suis dit, oh, OK, on verra. Alors, c'est le vœu de Victor Hugo. Si j'étais la feuille qui roule... L'aile tournoyante du vent qui flotte sur l'eau. Ça se termine là. OK? Alors, je vais improviser. Êtes-vous prêts? Je vais recommencer. Faites-vous-en pas. Ça sera fluide. Mais après, on part dans toutes les directions. C'est « Vœux » de Victor Hugo. Si j'étais la feuille qui roule, l'aile tournoyante du vent qui flotte sur l'eau, j'atterrirai sur notre amour. Pour y chercher un drapeau afin d'y planter la cathédrale qui deviendra notre union. Après quelques jours, je marcherai sans toi pour mieux te trouver à travers la houle, l'eau bouillonnant m'invitera à des pensées qui me laissera t'imaginer. Le soir, en regardant les étoiles, j'inventerai ton nom sans en attendre aucune consonance réelle. Et lentement, j'érigerai un drapeau qui constituera notre amour. À travers l'enfance, j'essaierai de connaître ton passé pour mieux savoir pourquoi tu es ainsi dans ma vie, dans le nid que je nous ai offert afin de fabriquer une histoire à deux. Nous partirons dans les chemins inconnus, pour mieux se regarder réagir face à la nouveauté, face à l'extravagance de la vie, face à l'écho de notre amour. Je nous vois trois oiseaux trois oiseaux. Pourquoi trois oiseaux? Toi, moi, nous. Qui s'envoleront? Qui s'envole? C'est ça. Alors, avec les non, avec la conjugaison, on peut se on peut s'accrocher les pieds. En tout cas, j'étais parti, là, je me suis arrêté, voilà. C'était de Victor Hugo, la première phrase, hein. Mais non, en tout cas, les trois premières, c'était « Si j'étais la feuille qui roule, l'aile tournoyante du vent qui flotte sur l'eau. » Et le texte, c'est ça pourrait durer, mais c'est parce que je me suis embourbé. Il faut que je fasse attention quand je fais de la conjugaison, mais je me suis laissé aller. Donc, c'est comme si tu rentres en transe. C'est pas ça, c'est une transe. Alors, j'en ai une autre. Hein? J'en ai une autre de la même Sandra que j'adore. Et puis, après, j'arrêterai là. Mais si vous avez, vous aussi, des débuts, soit de... C'est même pas... L'obligation n'est pas de trouver des poètes ou des écrivains. Vous pouvez vous-même avoir les trois phrases de début ou une phrase ou un mot ou cinq mots. Si vous mettez 10 mots, je vais vous faire un texte à partir des 10 mots que vous m'offrirez. Mais là, n'allez pas chercher là, des trucs là, pointilleux ou, comment dire, un peu trop précis. Ou si, par exemple, vous êtes médecin, essayez-moi pas... Trouvez-moi pas des termes ou des mots que je ne comprendrai pas. Bon, OK? Soyez basique. Mais sans être idiot quand même, il n'y a pas de personne. C'est ça. Ce qui me réjouit, c'est que ce soir, les gens qui écoutent CKRL ne sont pas des idiots, puisqu'ils ont syntonisé le 89.1 à Québec. Hein? Mais j'ai voulu prendre le 89.1 à Trois-Rivières, puis ça captait une autre affaire. Hein? J'entendais le flot. Pas mon enfant, là, t'sais, on dit un flot pour un enfant. Non, le flot qui dézonait. Tu sais, ben, boire des ondes, ben, quand tu dézondes, ben, tu te demandes pourquoi ça chante creux, ça chante faux, ça chante pas sa chanson. Tu sais, quand tu chantes pas ta chanson, chante-la pas. Tu peux la dire, tu peux la narrer. Renaud est rendu dans la narration, puis c'est tout aussi beau. Les gens, eux, la fredonnent, la chanson, tu sais. Mistral gagnant. Une Mistral gagnant. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les temps, les gens, tant qu'il y en a. Écouter mon ami Zachary Richard et se dire avec lui, il y a des remparts. À travers les mots, à travers la musique. Vas-y, mon Zachary. Voyons donc, comment ça tu coupes, toi? Tu colles dans le... Ouais, tu colles dans le passé. Vas-y, décolle. Décolle, va à l'école. Ouais. Va à l'école de la vie. Et reviens-nous. Vivant comme l'herbe, heureux comme le hérisson, et inconscient comme la vie. Reviens-nous. Pagailler, encore loin pour faire la fin de la journée. Je voyage des eaux et coure des bois. Depuis le nord, Manitoba aux îles noires. Je connais tous les rivières, tous les ruisseaux. Depuis l'île d'Orléans jusqu'à la terre haute. Courez dans le bois. Aussi longtemps. Dans la ville de Montréal, y a une belle brune à laquelle je donnerai toute ma fortune. Elle a les yeux couleur du fond d'un lac glacé. C'est en bas, c'est couverture, va me réchauffer. Si j'avais un dernier souhait pour toute ma vie, caché ce grand bois avec le coin de son foyer. Courez, courez, courez, courez, courez dans le bois. Aussi longtemps, aussi longtemps. Si la tempête nous attrape, je ferai un vœu de passer la nuit de janvier auprès de son feu. Courez, courez, courez, courez, courez dans le bois. Aussi longtemps, aussi longtemps, aussi longtemps. Hey, as-tu raison de dire ça? Il a raison, bravo. Bravo, c'est sans doute Florent Volant qui a terminé, mais c'est Zachary Richard, la chanson, il a interprété une chanson, et c'est auteur, compositeur, interprète Zachary Richard. En écoutant ça, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas vous raconter ma vie, là. Ma vie! Mais je suis allé faire... En tout cas, j'ai voulu faire plaisir à une cliente qui prend des croustilles assez, assez particulières. Et bon, comme c'est aimé de tous, ça se vend assez rapidement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est les gens peuvent appeler, puis on leur fait leur épicerie et on leur livre à la maison. Et ben, cette dame-là m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit, non, c'est hier, elle m'a dit, regarde, je vais te laisser. Bon, elle m'a fait la nomenclature. Elle s'appelle Christine et je dis juste son prénom. Puis, en fait, ce qu'elle me demandait, les items, c'est que soit que je les avais pas parce qu'on fait aussi de la salade, on fait des trucs, nous. Et on est comme une épicerie. On va dire comme... On est comme une épicerie, ouais. Ah oui, on est comme sur le coin de la rue, ouais. On est comme vivant, ouais, ouais. On est ouvert, on est comme ouvert. Ouais, on est comme quelques employés, puis on est comme... on essaie de travailler, puis... c'est un peu comme, ouais, c'est le bordel, mais en tout cas, bref. Et puis là, elle me demande des produits, mais les produits, la salade, les cuisinières n'avaient pas eu le temps de faire ça. Puis il y en a une qui est assez rock'n'roll, puis elle dit, ah, oh, ils me font juste faire ce que j'aime pas faire, en tout cas, bref. Et puis là, je rappelle Christine, je dis, Christine, on va attendre à demain, OK, parce que c'était fête hier. Et bon, ils ont pas pu, là, puis pour ce qui est de la commande de croustilles que tu m'as demandé, ben, je crois que c'est décalé d'une journée. Fait qu'elle me dit, OK. Fait que là, elle rappelle le lendemain, puis j'ai dit, ben, là, on va faire, parce que sa salade, là, c'est quoi? C'est pas de la salade de péton, c'est de la salade de goberge. Elle adore la salade de goberge. Donc, j'ai dit, OK, on a fait. Donc, ça peut pas être plus frais que ça, là. Ça vient de sortir de la casserole. Et donc, mais j'ai dit, pour ce qui est de tes croustilles, là, mix, on en a juste un sac. mais demain, elle va peut-être en livrer, parce que c'est une livreuse, elle va peut-être venir livrer les croustilles. Mais comme ça a été fait, je ne sais pas si c'est reporté à une autre journée, elle dit « OK ». Fait que, elle dit « Envoie-moi ce que tu as bon. ». Et j'ai dit, après ça, j'ai dit « Écoutez, parce que je la vous vois, là, j'ai dit « Écoutez, Christine, si je les ai pas, normalement, le vendredi, si c'est décalé d'une journée, elle sera là, puis elle va elle va en placer. » Elle dit « OK, c'est parfait. » Mais j'ai dit « Appelez-moi, parce que ça se peut que je l'oublie, puis je vais aller vous les porter après mon travail. » Elle dit « Oh, il n'y a pas de problème. » Et là, ça a été un vendredi assez rock'n'roll, elle m'appelle, puis elle en avait livré, mais moi j'ai dit « Écoutez Christine, elle en a pas, elle n'a pas travaillé aujourd'hui, parce que bon, c'est le décalage, hein, une journée de congé, donc elle me dit « Ben écoute, on se reprendra, ben j'ai dit « Quand elle va en amener lundi, je vais vous en garder, OK? » Mais je savais qu'il y en avait, mais comme je me sentais pas en pleine forme, j'ai dit « Bon, puis là, ben après ça, ben écoute, je suis comme ça, moi. Je me suis dit, ben, je peux pas y faire ça parce que bon, c'est une dame que je connais un peu. Elle m'a raconté un peu sa vie, hein, avec le temps, quand elle. Pas de Léo Ferré, là, mais qu'avec le temps, elle raconte un peu là, ses ennuis. Puis bon, elle est en fauteuil roulant. Puis j'ai dit, ah, je vais y en acheter trois. Je vais prendre son adresse. Je vais aller lui livrer après le travail, je vais lui livrer ça. Alors, elle s'attendait, elle pensait que j'y allais pas, là. Donc, à la fin de mon travail, j'essaie de trouver l'adresse. J'ai comme, ben, moi, la direction, là, je suis pas un GPS. Je pense que si chaque personne, là, chaque être humain a un GPS, il y en a un de vous qui en a, vous en avez deux. Parce qu'ils m'en ont pas donné, moi. Si vous n'en avez, oui, si vous en avez, appelez-moi. Écrivez-moi plutôt, appelez-moi pas, parce que moi, je réponds pas. Ah, moi, je réponds pas. Je réponds juste si les gens, je les connais, puis je les aime, puis tout ça. Parce que cette dame-là, ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois qu'elle m'appelle, elle dit « T'es mon rayon de soleil, t'es tellement rigolo. » Elle dit « T'es positive. » Je pouvais pas abandonner cette dame-là. Donc, j'arrive devant son appartement. Enfin, je trouve l'immeuble. Là, j'arrive devant sa porte parce que c'est barré. Et je l'appelle. Je lui dis « Bonjour, c'est Rénal du Ping. » Le Ping, ça, c'est l'endroit où je travaille. Ça s'appelle pas Ping, mais c'est comme trois points de suspension, d'accord? « Hé, monsieur, il n'y a pas des cas. Les cornichons, c'est pas des... Ouais, ils sont pas tous d'impôts, là, hein? Ils sont pas tous d'un croustille aussi, parce qu'il y a des croustilles aux cornichons. » Mais Christine, elle n'aime pas ça. Non, elle, c'est le mix. Elle aime bien le mix, elle. Fait que là, j'ai dit, écoutez, Christine, j'ai dit, je suis allé dans une autre épicerie. Non, j'ai fait croire ça parce que... Et j'ai dit, puis j'ai acheté pour vous trois sacs de croustilles. Puis là, elle dit, hein, Rénald, voyons donc, t'as pas fait... Ben voyons, et ça me fait plaisir. Fait que là, elle dit, j'ai dit, ouvre-moi la porte, là, puis elle dit, je suis pas arrangé, ça n'a pas été ma journée, j'ai pleuré tout le temps, puis ça va pas très bien, puis elle dit, je suis pas présentable. J'ai dit, écoutez, j'ai votre appartement, OK, je vais mettre ça à votre porte, puis après ça, je vais vous rappeler pour vous dire, ouvrez la porte, c'est là, puis moi, je serai plus là. Fait que là, elle me dit, OK, fait que là, je fais ça, sa porte, parce qu'elle l'ouvrait pas. Tu peux comprendre aussi, tu sais, il y a tellement de malades puis de criminels qu'elle se dit peut-être que c'est un gars qui, hein, il est pas correct. Fait que, là, comme j'attendais qu'elle ouvre, mais elle n'a pas ouvert, j'ai dit, je vais faire son numéro d'appartement. Je fais le numéro d'appartement, pardon. Et puis là, elle me dit oui. Ben, j'ai dit, c'est Rénal. Ah oui, OK, parfait. Fait que là, elle sonne. Ben, je dirais, après ce bouton. Donc, ça sonne. J'ouvre la porte et je vais, j'entre à l'intérieur. Je vais au troisième étage, même là. Puis là, j'entends. Rénal! Fait que là, je me dirige vers le son, mais tu sais, c'est plusieurs corridors. Et là, je vois juste la porte qui s'ouvre, mais je vois une main. Là, je lui donne le sac. J'ai dit, en tout cas, bonne soirée, madame. Elle dit, hey, merci, Rénal. Elle ferme la porte. Puis là, pendant que j'attendais à l'ascenseur, elle m'appelle en pleurs. Elle dit, ça n'a pas été une belle journée, blablabla. Puis j'ai dit, écoutez, dites pas ça, ça n'a pas été une belle journée. Maintenant, là, à cet instant précis, est-ce que c'est bien? Êtes-vous heureuse? Puis là, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, oui, ben, on parle. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, ben je sais pas. Mais en tout cas, je voulais en parler. Je voulais vous le dire. C'est pas parce que je suis un bon gars de ça, mais parce qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Et si on peut les aider, pour trois fois rien,

C'est un réalisateur de cinéma, mais pas un poète, quoique à travers ses images, ce fou, parce que c'est un fou, ce fou, si vous ne connaissez pas sa bio, c'est un fou. Ce fou, quoique si on lit tous les bio, biologie, non, discographie, biographie. Si tu lis toute la biographie des gens tellement intenses, il y a de la folie là-dedans. Ah, mon Dieu. Hey, Tiguz, hey, t'as-tu lu la biographie de Tizune Beaujoin? Tizune Beaujoin, ben oui, il est né à Val-d'Or. Puis après ça, il s'est, à 15 ans, il a décidé de déchirer le monde pour arriver à Québec dans n'importe quelle situation. Mais là, c'est pas de lui que je veux parler, c'est de Vision d'Alfred Hitchcock. Alfred de Musset. Mais non, tu ne connais pas Alfred de Musset. Il dit « Je vis d'abord sur moi des fantômes étrangers, traînés de longs habits, je... » Et là, c'est à moi de continuer. Je le redis. Je me sens pas inspiré, moi, là. Je me sens transpiré. Gaétan, tu ne sens-tu? Ah, je te sens, tu pues la transpiration, mais c'est un parfum de poète. Oh! Hey, on devrait sortir, là, tous les parfumiers, là. Hein? Vous êtes des parfumiers? Ah non, je vis dans le fumier. Ouais, mais le fumier, c'est un parfum. Ouais, mais ça se vendra pas. Hein? Ben, voyons donc, toi, si tu veux plaire à la fermière, garoche-toi-en de l'urine de vache. Hein? Trempe-toi dans la trempette de cochon. Elle va t'aimer en sein, s'il vous plaît. C'est Vision d'Alfred de Musset. Je vis d'abord sur moi des fantômes étrangers, traînés de longs habits. Je marche, sans savoir sur qui. Quelques cadavres, quelques maquis. Je vois au loin Sade, qui se dit marqué. Marqué par la vie, marqué par son extravagance, marqué par sa perversité qui ouvre à chaque instant la clé de la liberté absolue. Il marche dans les cimetières de l'oubli, dans les sentiers de l'amour, pour mieux éventrer les caresses amoureuses qui l'ont fait souffrir. Pourquoi se demander s'il est comme ci, s'il est comme ça? Pourquoi se demander si la vie mérite d'être ça? Il suffit de le regarder se promener là-bas, tout près de nous, juste ici, dans un clin d'œil qui scintille dans le firmament de l'abstraction terrestre. Il cherche un jour à se définir comme quelqu'un d'absent, d'innommable, une genèse entre le néant et l'apocalypse. On l'appelle souvent la déchéance, mais celle-ci s'amuse à entendre son terme devenir aussi éloquent. Quand tu veux, Raymond, quand tu veux, tire le charbon, aime la georgette. Si la courgette te va, prends la don. L'arbre est dans les feuilles, Marion, Marie-Lée. L'argent de mon ensemble, l'arbre est dans les feuilles. L'arbre est dans les feuilles, Marie-Lon, Marie-Lon. Marie-Lon, Marie-Lon, dans les feuilles. Oh yeah. Dolly, y'a bien une petite branche. Dolly, y'a bien une petite branche. La branche est dans l'arbre, l'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon, tout le monde, l'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. Hey, vous pouvez répondre, en fait. C'est pas compliqué, là. OK? Ciao. Dans la branche, il y a un petit nœud. Dans la branche, il y a un petit nœud. Le nœud est dans l'arbre, l'arbre dans ses feuilles. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon, l'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. Dans le nœud, il y a un petit trou. Dans le nœud, il y a un petit trou. Trou dans le nœud, dans la branche, de branche, dans la. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. Dans le trou, il y a un petit nez. Dans le trou, il y a un petit nez. Un nigga dans le trou, et le trou, et dans le nœud, dans la branche, de branche, dans la. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. Dans le nez qui est d'œuf, dans le nez qui est d'œuf. Y'a dans le nez qui est nègre, dans le trou et le trou, et dans le nœud et le nœud, et dans la branche et des branches, et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. Dans l'œuf, y'a un oiseau. Dans l'œuf, y'a un oiseau. Oiseau est dans l'œuf et du love. Et dans le nez et des nez. Et dans le trou et des trous. Et dans le nœud et des nœuds. Et dans la branche et des branches. Et dans l'œuf. L'œuf est dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'œuf est dans ses feuilles, Marinon, tendez. Dans l'oiseau, y'a un petit cœur. Dans l'oiseau, y'a un petit cœur. Cœur d'oiseau, oiseau, dans les yeux et des loves, et dans les nègres et des nègres, et dans les trous et des trous, et dans les nœuds et des nœuds, et dans la branche et des branches, et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, non. Oh yeah, yeah. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est dans le cœur d'oiseau, oiseau. Et dans les yeux et des loves, et dans les nègres et des nègres. Et dans les trous et des trous, et dans les nœuds et des nœuds. Et dans la branche et des branches, et dans l'arbre. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, tendez. L'arbre dans ses feuilles, Marinon, Marinon. Tu arrives près de moi sur tes belles ailes d'ange, me caressant le front, enlevant toute ma peur. Tes yeux bleus de gris, ton regard la douceur, qui calme la tempête de mon cœur, qui efface mes sanglots et qui vainc mes pleurs. On va danser, danser serré sous les rayons de la pleine lune de janvier. Un pas de deux, une valse à deux temps, danse le ciel de notre exaltation. Tu es parti comme une étincelle qui

au document me le montrer. Ok, c'est pas encore réglé. Non, c'est... là on est en train de bosser sur plein de choses, sur les éditions d'Anne Sylvestre, sur les... donc c'est faut du temps. Et toi, tu t'es inclus là-dedans là. Oui, je travaille vraiment main dans la main. Aux archives. Absolument, avec Clémence Chevreau, donc sa petite fille. Alors, tu es assez intime pour être dans la... comment dire, là, dans le clan. Dans le clan. Oui, ils m'ont fait vraiment cette confiance-là et l'amitié de me dire, écoute, on travaille ensemble. Donc, il y a Clémence Chevreau, il y a Philo et Alice, les filles d'Anne, qui ont pris ce qu'ils appellent les BC Music, c'est les éditions musicales d'Anne, et on travaille ensemble à éditer les partitions, les paroles des chansons d'Anne. Et c'est vraiment un devoir important de mémoire, de transmission. Ouais. Et donc ça, moi, je suis très heureuse de participer à ça, très fière aussi. Oui, mais c'est quand même un velours que l'on te demande ça, mais tu as travaillé avec dans l'intimité, donc tu es comme ça, ça. Oui, mais il y a vraiment ça. Et je sais que pour moi, Anne, elle est toujours là. Je veux dire, elle est juste à côté. Quoi. Mais ça s'est terminé rapidement. Elle a été foudroyée par quelqu'un. Oui, je pense qu'il y a eu, comme beaucoup d'entre nous, mais elle a été vraiment très affectée par le confinement. Parce qu'elle est Anne, elle sortait tout le temps. C'est-à-dire que quand elle n'était pas elle sur scène, elle allait voir les copains, les copines, les jeunes. Elle était d'une curiosité infinie. Et de se retrouver enfermée chez elle pendant tant de mois, ça l'a beaucoup, beaucoup meurtri et beaucoup altéré. Affecté. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça a peut-être déclenché quelque chose qui était déjà là. Ok, latent. Ouais. Et elle est partie après assez vite. Ouais. Non, elle n'a pas trop souffert. Mais elle n'a pas souffert, ce qui était fabuleux finalement de se dire qu'elle ne s'est pas sentie partir. Ouais. Elle était... On devait jouer en janvier à la Cigale. On avait les répétitions qui étaient là, on avait répété déjà, elle est partie, mais elle ne s'est pas rendue compte de ça. En décembre? Ça aurait été épouvantable. Elle est partie en novembre, 30 novembre. Novembre, ok. Et donc, elle ne s'est pas rendue compte de ça. Elle est partie avec son projet de la Cigale. Magnifique. Magnifique. C'est la plus belle chose. À quel moment tu as su qu'elle allait partir? Tu l'as su après? C'est-à-dire? À son décès, ou tu savais que... Ah oui, non, je savais, j'étais au courant par la famille, évidemment, on était en lien très étroit. Donc, Et pour toi, ça quand même, ça s'est vite arrêté, donc ça devait être difficile de poursuivre. Oui, c'était... je sais pas quoi dire, c'était inattendu, tellement inattendu. C'était une grande amie, surtout. Mais c'est ça. Pour moi, en tout premier lieu, j'ai perdu une amie. Et après, il y a toute cette histoire qui se continue finalement, mais en premier lieu, j'ai perdu cette amie-là. As-tu su te retourner rapidement ou tu as voulu vivre ça comme tu voulais laisser le temps? Oui, il y a eu beaucoup de temps, en fait. Ça a mis beaucoup de temps et il y avait besoin de ce temps-là. Pour digérer. L'accueillir, le digérer. Tout à fait. Ouais. Pour une certaine guérison. Oui. Il se guérit jamais. Oui. Après, c'est. Il y a une transmutation qui s'est opérée. Et ça, ça c'est important de se dire que au travers du travail qu'on fait avec sa famille, au travers de moi, ce que je crée aussi en relation avec Anne. Elle continue d'exister. Mais ce qui est formidable, c'est que tu te rends compte que tu es à 100% dans l'humain et dans ton travail. Mais je ne peux pas faire autrement. Oui. Mais moi, il y a des choses que j'ai refusées parce que ça me cause pas. Qu'est-ce que tu... c'est comme la quête de sens, on me dit maintenant la quête de sens. Moi, la quête de sens, c'est depuis le début. C'est-à-dire, si je ne suis pas à 100% humainement en accord avec les gens que j'accompagne, mais je me morfonds et je dépéris. Quoi. Je l'ai vécu deux fois. Et j'ai été malade, mais je te dirais physiquement. Ouais. C'est-à-dire que j'avais la peau remplie de boutons, j'étais au plus bas, et j'ai dû arrêter vite, parce que c'est dans mon être profond que ça se matérialise. Quoi. Ouais. Mon corps, il dit... Non. tu recules, tu t'en vas. Ouais. Mais ça prend ça, sinon tu peux pas comprendre. Non. Exact, c'est ça. Ouais. Voilà, donc écoute, c'est plein de choses comme ça. Mais toi, personnellement, as-tu ce goût-là de te présenter seul sur scène avec tes chansons ou avec des chansons que d'autres pourraient écrire? Mais j'ai fait, je l'ai fait. J'aime ça, mais je me rends compte... Que tu as besoin des autres. Ouais, je ne suis pas une... J'ai besoin d'être entourée et, de, ouais. et d'être seule, toute seule pour moi, pour ma gueule, ça m'ennuie. Je m'emmerde. Pourquoi c'est le clan qui t'intéresse? Exactement. C'est la famille, famille. Mais il a fallu que je me rende compte, parce que souvent, c'est un tel culte de... Ouais, c'est toi la vedette, et machin. Mais moi, en fait, ça m'ennuie profondément. Et c'est pas des gens qui disent, oh, mais t'as de la chance, tu pourrais faire ça. Ouais, je dis, mais non, j'ai pas envie, en fait. Moi, j'aime bien d'être avec les copains, et puis de partager des moments, que ce soit derrière le piano, ou que ce soit devant, en étant accompagné. C'est tout le temps ça que je guette, c'est-à-dire de former une équipe et d'aller faire les foufous sur scène, quoi. Mais moi, toute seule... Il y a aussi les répètes, il y a après le spectacle, se retrouver entre amis dans un resto... C'est ça, c'est tout ça. Et je sais qu'il y a... Bon, j'en connais dans le métier, évidemment, qui sont vraiment stars, machin... Et en fait, t'es devant, puis t'as une équipe de musiciens derrière, quel qu'il soit, à la limite, on en change. Ouais. Mais moi, ça ne me cause pas du tout, et je l'ai accepté. Au début, je me suis dit, c'est dommage quand même, tu pourrais faire... Mais non, j'ai accepté qu'en fait, moi... T'es une fille de troupe. Ouais, vraiment. C'est ça. C'est ça qui me plaît. Et c'est bien. Est-ce que tu sens depuis le début, quand tu as commencé dans le classique, est-ce que tu te voyais en 2023 avoir joué avec toutes ces personnes-là, avoir... Non. Non? Non, j'avais pas de projection du tout. C'est venu... En fait, tout est venu sans que je demande, tu sais... Tu fonctionnes aux passions. Oui. Alors, j'ai un souvenir, tu sais, de, on passe à l'émission de Drucker avec Joyet en... C'était quelle émission? Vivement dimanche. Ok, c'est... Mais non, mais c'était en, je te parle de ça, c'était en 2000 combien? Mais ça fait longtemps que ça existe. Ça fait très longtemps peut-être. Je me souviens plus. Très très longtemps. C'était l'émission avec Jean Ferrat. Oui, ok. Ouais. Et j'accompagne Joyet. On fait deux chansons, le gérontophile et puis je sais plus quoi. Bon, l'émission se passe, super, machin, super. Quelques jours après, quelqu'un m'appelle. C'était Levon Sayan, c'était le producteur d'Aznavour. Ouais. Et il dit, bonjour, il appelle Mizen Alès, la productrice à l'époque. Il dit, voilà, elle pense que c'est pour Joyet. Et en fait, c'était pour moi. C'est Aznavour qui voulait m'auditionner pour l'accompagner. Je vais à l'audition. J'étais tellement émue... De rencontrer Aznavour que je suis arrivée un jour plus tôt à l'audition. Tu le crois, ça? Ouais. Je suis arrivée un jour plus tôt et les gens m'ont dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Okay. Et donc je suis retrouvée. Ouf, ok, ouais. Tu tremblotais, donc tu as remis ça. Tu as remis c'est le track. C'est horrible. Allez, je suis vraiment con. Non, c'est... Tu voulais pas le manquer. Je l'ai pas manqué. Et le lendemain, donc, j'ai passé une heure avec Aznavour, audition, donc j'avais les partitions, puis il m'en a sorti d'autres de son bureau, comme ça. Emmenez-moi, voilà. Mais quand tu l'as rencontré, comment il est? Il était super gentil, super accueillant, très, très attentionné. Après, j'ai par d'autres échos, parce que mon voisin était le pianiste d'Aznavour, enfin, j'ai des échos qu'il était peut-être pas très tendre avec ses musiciens, mais avec moi, il a été super gentil. L'audition s'est très bien passée. Fin de l'audition, ouais, très humain. Fin de l'audition, il me dit, mon chef d'orchestre, Hervé Roy à l'époque, qui est décédé entre-temps, va vous contacter pour la tournée au Canada, à l'époque. Et j'attends toujours le coup de fil, parce qu'en fait, moi, j'étais toute jeune accompagnatrice, je ne savais pas qu'il fallait rappeler et puis mettre le pied dans la porte, dans le métier. Et donc, je pense que d'autres gens plus aguerris du métier ont dit « Non, celle-là, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est. » Donc, j'ai dégagé. Et je suis très heureuse de ça, parce que j'aurais été malheureuse avec Aznavour faire une tournée. Parce que c'est pas du tout mon style de, comme tu disais justement, c'est pas ta c'est l'humain. Ouais. Et là, d'arriver puis de te dire, fais 3-4, tu joues tes notes et puis salut son hôtel. Ouais. Je pense que je me... Et le Saint-Snavour, après ça, qui lui prend toute la place. J'aurais déprimé, je pense. Ouais. Tandis que là, avec Joyet, j'ai passé 15 années merveilleuses d'humanité, quoi, tu vois, d'aider, d'échanges, de... Ouais, c'est chouette. Quand les choses passent, mais... elles se font pas. Lorsque tu étais devant Aznavour, est-ce que tout le trac que tu avais s'est résorbé en disant ben ça reste un humain, que ce soit Aznavour ou Gainsbourg? C'est... Tout de suite. C'est-à-dire, à partir du moment où je me suis mise au piano, t'imagines une heure en tête à tête, accompagnée d'Aznavour, moi, ma... c'est bon, ma vie, c'est plié, tout va bien. Quoi. Ouais. Les enfants des chômeurs, des sans-abri, des érémistes reçoivent le meilleur de ceux qui passent sur nos listes. Couverts de pieds en cap, de vêtements de grandes marques, fini le handicap, et bien malin qui les remarque. Ça gêne beaucoup moins, et quand ils se lavent les mains, je vous jure, on s'y tromperait, on dirait des enfants, des vrais. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Ces gens dans le métro qui nous imposent leur musique, oh. Ou ceux qui parlent trop en recherchant le pathétique. Jamais vous ne croiriez qu'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Ils sont bien habillés, il y en a qui sentent la lavande. Leur faire la charité, moi j'aurais peur de les vexer. Entre nous, et bien franchement, ils sont pauvres ou ils font semblant. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Mon épicier m'a dit qu'autrefois dans le voisinage, il y avait des taudis qui déparaient le paysage. Il devait s'y passer les choses que l'on imagine. On ne pouvait laisser proliférer cette vermine. On les a remplacés par des immeubles polissés. Ce qu'on a fait des habitants bas. Ils sont logés depuis longtemps. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ma fille a fauté, j'ai failli la mettre à la porte. Mais j'étais révoltée à la seule idée qu'elle avorte. Il y a des endroits où l'on peut arranger les choses. Et tout le monde croit qu'en ce moment elle se repose. Elle a eu son bébé, il était bien un peu foncé, ah. Mais tout de même assez mignon. Ce sera mieux pour l'adoption. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Mon fils, qui est très beau, va bien se décider, j'espère, à reprendre le flambeau de la famille et des affaires. Oh, il n'a pas l'air pressé de rechercher le mariage. J'ai beau lui présenter des jeunes filles de son âge, il n'y a que des garçons qui viennent le voir à la maison. Mais s'il avait des goûts pervers, bah, je le saurais, enfin, je suis sa mère. Ça ne se voit pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ah, pas du tout. Ça se voit pas du tout. Je suis sollicité par les œuvres de la paroisse. Je suis trop occupée pour éprouver la moindre angoisse. Je me lève très tôt pour attraper la première messe. Puis dans les hôpitaux, je vais secourir les détresses. Oui, j'aime mon prochain et je m'applique à faire le bien, car j'ai un cœur très généreux, mais j'ai l'impression, c'est curieux. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je comprends pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il chantait ou... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il est allé à fond, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est cadeau de la vie. Alors, t'as fait une heure de spectacle sans public avec Aznavour. Juste en tête à tête. Et ça, voilà, personne... Est-ce que sa musique est difficile, contrairement à d'autres, ou c'est... Tout est écrit. Tout est écrit, c'était vraiment les parties, tu sais, quand on est sur scène avec le band et puis la partie de piano, tout était noté. Donc là, il n'y avait pas d'impro. C'est pas plus compliqué que n'importe qui, que Anne Sylvestre. Oh non, c'est moins compliqué. Okay. C'est moins compliqué. Anne, ses partitions, c'est juste des partitions de concertiste. C'est vraiment très très compliqué. J'ai un souvenir d'une chanson, c'était, attends, c'était laquelle ? Gay Marions-nous. Okay. Arrangement Jérôme Char. Jérôme Charles, en répétition, à côté de moi, avec un petit sourire sadique, okay, ouais, ouais. Qui me regarde et puis qui me dit « Je veux toutes mes notes !» Et je commence à jouer. Et il y avait des milliards de notes. Je dis « Mais Jérôme, t'es fou, je vais pas pouvoir jouer toutes tes notes !» Et donc voilà, elles sont difficiles. Ah, as-tu déjà écrit des arrangements ? Oui, bien sûr. Pour Anne Sylvestre aussi ? Oui. Et toi, c'est plus aérien, c'est moins... Oh, ça dépend. Non, parce qu'en fait, Anne Sylvestre, c'est le texte, la mélodie, l'arrangement. C'est indissociable. Et il y a une tradition vraiment d'arrangement musique française. Tu vois, début du siècle, François Robert. Oui. Donc c'est une couleur particulière, transcrite au piano. À la mort de François Robert, il a passé le flambeau à Jérôme Charles. Il était en train d'écrire un album des Fabulettes, je crois. Il était à l'hôpital. Et il a vu qu'il ne pourrait pas terminer l'album. Et il a dit, Anne, moi je te conseille Jérôme Charles. Donc il y a une passation comme ça. Et Jérôme a continué dans l'esprit de François Robert. Donc quand elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu fasses des arrangements pour moi aussi, de scène et de disque, j'ai dit, bien sûr, j'ai dit oui, parce que c'était un vrai défi, un nouveau défi, en accord avec Jérôme Charles. Et j'ai pris la couleur, c'est-à-dire il y a une contrainte. Oui. J'ai pas fait du Nathalie Miravet, j'ai fait Anne Sylvestre. Voilà. Donc oui, j'ai mis de la note aussi. Mais tu parles de studio, tu parles de concert. Quand tu écris pour le studio, si c'est pas la même chose que pour le concert, qu'est-ce qui diffère des deux? Non, c'est pareil. OK. Pareil, pour Anne. OK. Pour Anne. Pour d'autres artistes, évidemment que ça change. Mais pour Anne, c'était vraiment la formation piano, clarinette basse, violoncelle. Elle appelait ça sa triade, tu sais. Okay. Et donc... elle ne pouvait pas partir sans ces trois musiciens. Exactement, c'est ça. Et donc, pour elle, les albums, c'était comme sur scène. Voilà, c'était la même chose. Je ne te parle pas de l'époque où il y avait tous les orchestres, les orchestrations qu'on peut connaître, historiques. Voilà. Mais les derniers albums, c'était ça. Déjà, un live, c'était à la Cigale. Et puis, le dernier album, c'était aussi... Les filles, DVD, ouais, à la Cigale. Ouais. Voilà. Ouais. Et commencer après un spectacle, c'est décompresser, c'est de rire, c'est de se reparler du spectacle. Ah, c'est à ce moment-là, on n'a pas enchaîné pareil. Est-ce que c'est ça? Ça peut... On a fait aussi un spectacle avec Agnès Bill, tu sais. Oui. On s'est marré. Agnès, oui, oui. Ah, ouais, on s'est bien. Avec qui Agnès adorait aussi. Alain Leprest. Mais oui, oui. Je suis allée à Montréal avec Agnès aussi. Je l'ai accompagnée. Oui. Et qu'est-ce que je disais? Oui, après le spectacle, c'était plutôt on va boire des coups, on va aller manger ensemble, c'est parti de la fête, quoi. C'était une fête. Mais Agnès Bill, oui, vas-y. Ouais, il n'y avait pas trop ce côté débrief, tu vois, dire ah ben là on s'est trompé, machin. C'était, non, il n'y avait pas trop ça. On pouvait en reparler, mais plus tard. C'était plutôt dans l'émotion du partage. On a eu du plaisir, les gens ont apprécié, on continue le spectacle. Ouais, il n'y avait pas. Non. Ça l'ennuyait un peu, ça, tu vois. Non. Après, dans les répétitions, on pouvait en parler. Mais, ou alors, oh, dis donc, là, j'ai un machin. Mais c'était vite balayé, quoi. Avec Agnès Bill, est-ce que tu as fait beaucoup plus de scènes que de studio? On a enregistré avec Agnès Carré de Dames. Oui. Donc, ça, on a fait studio. Alors, t'étais là pendant tout le disque? Comment? Oui, okay. Avec Dorothée Daniel. Ouais. Dorothée Daniel, que j'ai passé un show de rencontrer. Ah, mais à chaque fois, ça fonctionne pas. Ah, ben oui. Et nous, ça fait longtemps qu'on essaie de se rencontrer aussi. Ah oui? Ça fait longtemps. Ben, tu sais, ça, tu m'as contacté, ça fait très, très longtemps. Oui, mais j'avais abandonné pendant... Oui, c'est vrai, t'as raison. Et Dorothée aussi. Ben, j'ai un projet avec Dorothée bientôt. OK. Alors, le projet, tu sais, c'est quoi? Ça s'appelle Les Voluptueuses, chansons à susurrer. Oh. C'est beau, bien. Oui, c'est beau. C'est beau, hein. Oui. Donc ça, c'est un projet à La Rochelle en 2024. OK, l'année prochaine. Ouais, c'est gros projet. On est super contents. Mais là, tu veux faire le spectacle avant La Rochelle ou tu veux commencer à La Rochelle? Non, non, on va travailler. On se rend compte à partir d'octobre, novembre. Il y aura Hélène Piris. Oui. J'ai choisi mon équipe. Okay. C'est le luxe, non? Ah, c'est toi qui choisis. J'ai choisi mon équipe. Donc j'ai dit, je veux Dorothée Daniel. Je veux Hélène Piris et Noémie Lamour. Donc c'est quand même pas mal, on est vraiment heureuse de ça. Oui. Et avec Agnès, je fais beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Et après, Dorothée a bossé avec elle. Une grande collaboration. Ouais. Et donc, tu veux travailler... Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux le faire avant de le présenter à La Rochelle? On peut pas. C'est vraiment une création... c'est une commande de la scène nationale de La Rochelle. Okay. Donc, ils prennent en charge tout, les répétitions, le machin, la résidence. Ah, mais c'est quand même très bien, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ah oui, donc j'étais super contente. C'est un luxe. Quand il m'appelle, le directeur, me disant, est-ce que vous voudriez? Je dis oui, c'est ça. Oui, je veux. Mais toi, éventuellement, est-ce que tu as sans doute derrière la tête le fait de vouloir l'enregistrer? Ah, ben, ça serait bien. Je ne sais pas si ça peut se faire. C'est en mars 2024, la création. Okay. Il y a 5 dates qui sont prévues, avec l'espoir, évidemment. Ah, mais 5 dates, c'est pas mal, quand même. Ouais. C'est pas juste 2 ou 1. Non, c'est bien. Tu vas besogner, mais pour 5 spectacles. Avec l'espoir de continuer, et puis peut-être, voilà, d'enregistrer, qui sait. c'est un beau postulat. En tout cas, l'idée, c'est donc les voluptueuses. Mmh. C'est mmh. les chansons. Désolée. C'est des chansons érotiques. Chansons érotiques, mais par la plume des femmes. C'est-à-dire que... Comme Pierre Perret l'a fait, mais vu par... Voilà. C'est-à-dire que quand on dit... Tu penses à une chanson érotique, on en connaît plein. On dit, ah oui, il y a celle-ci, machin, l'année 60, érotique, les ratés de la bagatelle, déshabillement, il y en a plein. Ouais. Et puis après, tu dis, c'est quoi une chanson érotique écrite par une femme? Alors là... Il y en a moins, on s'imagine qu'il y en a moins. Il y en a moins, évidemment. Mais voilà, donc là, je suis en plein dedans. J'ai dévalisé la FNAC, Alors, je demandais, et je sors avec l'érotisme féminin, le machin, le truc, et les gens, ils me regardent comme ça. Mais moi, c'est ça, oh, la pervers. Chanson coquine, oui. Machin, ouais, oui. C'est réjouissant. Les hommes de ma vie, les grands, les gros, les maigres, je les aime à la folie, les petits, les beaux, les becs. La nuit porte jartelle, on a le fétichiste amoureux d'une ficelle et d'un siège de dentiste. Y a le politicien, tellement mythomane, qui fait pleurer son chien et aboyer sa femme. Et le cow-boy en rut, mais là faut bien avouer qu'en moins de 3 minutes, on ne peut pas juger où est-il l'homme de ma vie. Pour lui, je veux voir un psy. Mon plombier, le facteur, un informaticien, deux rappeurs, un batteur et même un musicien. Trois banquiers, 6 chômeurs, un livreur de piano, quelques maîtres nageurs, un coiffeur hétéro. Je ne panique pas, mais dites-moi pourquoi dans l'embarras du choix, il y a surtout l'embarras. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bah oui. On retourne à la pêche et ça mord, et ça mord. Et soudain, c'est la dèche et c'est mort, et c'est mort. Le gentleman farmer, il faut être sincère, il aurait tout pour plaire. Mais pour plaire à ta mère. Avec le milliardaire, il y a du boulot. Vous rêvez d'une croisière, il vous mène en bateau. Moi, je cherche un garçon qui pourrait m'expliquer si je suis un canon. Ou bien juste un boulet. Où est-il l'homme de ma vie? Pour lui, je vais voir un psy. Deux gendarmes, un Jean Foutre et quelques journalistes. Une équipe de foot et un quart de touriste. Un bel ostéopathe et 2-3 guérisseurs. Un professeur de maths et 4 camionneurs. Un hypochondriaque et 3 végétariens. Moi je frôle l'attaque, à part ça tout va bien. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah oui. Quand on est une princesse, on a des idéaux. Moi, j'ai pas le feu aux fesses, mais des fois, j'ai eu chaud. Le pilote d'avion se fantasme sur pattes. Il a tout même un con, tendant qu'aphrodisiaque. Et là, dans un rictus, on voit que le chérubin croit que Cunilingus est un empereur romain. Souvent, l'homme idéal, il faut le reconnaître. Hélas, en général, il a déjà un mec. Où est-il l'homme de ma vie? Pour lui, je vais voir un psy. 3 pompiers, 6 chanteurs et tout un monastère. Un ministre, un voleur et une hôtesse de l'air. Un plombier, le facteur, un informaticien, 2 rappeurs, un batteur et même un musicien. 3 banquiers, 6 chômeurs, un livreur de piano, quelques maîtres nageurs, un coiffeur hétéro, 2 gendarmes, un Jean Foutre et quelques journalistes, une équipe de foot et un quart de touriste. Une 12aine de maniaques, un joueur de poker et dans tout ce micmac, aucun célibataire. Aïe ma mère! Comme je l'ai toujours dit, oui, oui, oui! Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de vie, oui! Mais ce qui est bien, c'est que on peut considérer que le féminisme a encore sa place et que tout n'est pas mort. Oui, et je crois que c'est important. C'est comme poursuivre le travail d'Anne Sylvestre de Biendôme. Absolument. Et dans la présentation du spectacle, je cite Anne Sylvestre. Ben oui. Bien évidemment. Oui. C'était pas prévu, hein. Oui. Mais les passerelles, évidemment, se font. Oui. Et cette idée, ça va pour toi, là? Oui, oui, non, parce que t'as c'est un emploi questions. Non, c'est mes 10 questions. De ministre. Il n'y a pas de problème. Oui, okay. Mais je peux... Tu m'as impressionné quand j'ai vu tout ton truc, là. Ah oui, oui, oui, oui. Mais comment? 45, tu as rencontré 45. Ben là, il s'en est rajouté 2. Il s'en est rajouté 3. Mais c'est pas grave, quand les gens savent que je suis ici, Donc, ils, magnifique. Ils disent, ben, c'est pas du bidon, donc est-ce que je peux te rencontrer? Ou, ah, j'ai plein de projets. Bon, OK. Comme Bruno Bernal qui s'est installé à la dernière minute hier, ouais. Avant que je me couche, il était quoi, 1h15 du matin? Il m'a appelé, je suis avec Bergman, puis on aimerait ça. Bon, il n'y a aucun problème, voyons, avec Bergman. Un homme chaleureux, extraordinaire. Super, alors, super, oui, super. Donc, toi, on parlait de quoi? Oui, féminisme, bien sûr. Féminisme. Bien sûr. Et l'idée, c'est que c'est la delphité, fameux mot adelphité, qui est magnifique quand même. Oui, oui. De se dire que c'est pas féminin ou masculin ou machin, le genre, le truc, il y a tellement de choses maintenant, c'est juste merde, quoi. On est des êtres humains. Oui. Et on s'en fout d'être, tu peux être tout ce que tu veux, moi je m'en fous. Mais soyons ensemble et soyons. Dans l'égalité. Oui, ça, et c'est soyons, important. Soyons ensemble. Parce que c'est pas le cas. Ouais. C'est ça, voilà, soyons ensemble et soyons à égalité, qu'il y ait une vraie équité de tout ça. Et quel que soit le positionnement que tu peux avoir. Et moi, c'est ça que j'ai envie de défendre aussi, de se dire, bon, c'est écrit par des hommes, des femmes, mais c'est surtout qu'est-ce que ça vient faire résonner chez nous. Oui. Tu vois. Et dans ce spectacle-là, j'espère bien qu'on va réussir à créer ces passerelles et cette. Arrêter d'être manichéen, quoi. Est-ce que là, on t'a déjà dit que tu avais un petit côté gréco? Ah! On t'a déjà dit? On m'a déjà dit. Oh, voilà. Gilbert Lafay m'a dit ça. Ah, mais voilà. Ah, il m'a voilà. dit, ouais, c'est le côté. Mais est-ce que. Mais au moins, c'est mieux que Mireille Mathieu. J'aime autant. Il y a eu une époque Mireille Mathieu. Okay. Quand j'avais 7-8 ans. Non, mais, ouais, déjà, mais déjà, tout le répertoire de gréco, c'est. Ben là, il y a de quoi faire. Mais oui. Oh, j'ai accompagné un spectacle gréco il n'y a pas longtemps. OK, hommage à la contrescarpe. Oui. Voilà. Oui. Mais on voit que c'est un endroit charnière, cet endroit-là, la Contrescarpe. Oui, c'est, bon, c'est un tout petit théâtre de quartier. Mais ouais, il a forcément son charme. Il est dans son contexte historique, quoi. Dans son élément. Dans son élément. Ouais. Mais sans paraphraser Dutheil, je trouve que ça ressemble sans blague à l'île d'Orléans. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ah, mais en passant, est-ce que tu penses... Oui, vas-y. Dis-moi, attends. Toi, dis-moi. Oui, dis-moi quoi? Non, dis-moi, je t'écoute. Ah, les 10 questions, mais avant les 10 questions, est-ce que tu te considères comme une féministe? Oui, je crois que... C'est pas un gros mot. Pas un gros mot, je suis pas féministe ou masculiniste ou machin. Non. Je préfère enlever ces mots, okay. Finalement. Pour égalité. Je dis oui, féministe, il n'y a pas honte de ça, mais arrêtons, quoi. Humaniste. Ouais. Humaniste, ça me va bien, quoi, tu vois. Arrêtons la hiérarchie. C'est ça, parce que ça crée des clivages et ça crée des tensions. Bah, on est en plein dedans, là. Ouais. Et ça crée des tensions et ça crée le la graine pour qu'on aille s'affronter. Et puis voilà, moi j'entends ce matin que maintenant, voilà, les femmes ne peuvent plus... enfin bref, peu importe. Non, on ne peut plus quoi? En Afghanistan, que les femmes ne peuvent plus sortir machin sans une personne qui s'accompagne, tu dis, ça va. Non, il y en a marre. Paris, c'est encore autre chose. Mais... Il y a des pays rétrogrades. Et tu te dis, bon, mais c'est pas gagné. Non, on n'a rien gagné encore. Hein. Voilà, c'est un combat quotidien. C'est ça, exactement. Puis même, on se rend compte que plus on avance dans les années, puis plus on devient rétrograde. Ouais. Moi, j'ai envie que à cause de la religion. Hein. Et c'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse balayer enfin ces mots féministes et masculinistes. Mais on devrait balayer la religion. Masculiniste, de plus en plus. Oui, c'est-à-dire, quand tu tiens un discours Garance, tu vois Garance, tu connais Garance? Ben oui, Garance Aubin. Bon, magnifique. Ben oui, je la connais, ben oui. Elle a fait Bleu, un album. Et là, elle fait une lettre qui est très, très belle. Elle s'est fait pourrir par des masculinistes parce qu'elle défendait cette cause-là. Je trouve ça honteux. Oui. Ben oui, je la connais, Garance, je l'ai rencontrée. Je l'ai encouragée pour son album Bleu. Elle écrit magnifiquement. Oui. Magnifiquement. Oui. Elle est souvent associée à Anne Sylvestre parce qu'on l'a vu sur des photos. Bien sûr. Comme Mèche, comme voilà, tout le Lili Lucas. Ben Mèche, ça... Hein? Oui, bien sûr. Elle descend pas trop loin. Il y a Mèche, Garance, il y a Lili Lucas, il y a Sophie Lecam, c'est tout un Sophie, monde. Oui, que j'ai rencontrée. Ah oui, j'adore. Non, mais Mèche, ce que j'ai rigolé, parce que lorsque je l'ai rencontrée, elle commençait dans le milieu. D'accord. Et elle ne voulait pas dire qu'elle était la petite fille de... Mais depuis que la pionnière n'est plus, elle revendique le fait qu'elle est la petite fille d'eux. Il faut que je te dise une chose. Oui, on a le temps. J'ai vu le dernier spectacle de Mèche. Oui. Au Forum Léo Ferré. Quelle salle, hein? Ah, ben oui. Et je peux te dire que ce spectacle, eh ben, il m'a... Je l'ai reçu, mais vraiment comme une grosse claque dans la gueule. Je lui ai dit d'ailleurs, hein. Okay. Pareil, il y a Juliette et Mèche. À avec son parcours où elle en est, et elle se posait la question, est-ce que j'ai envie de chanter à nouveau? Et là, ce qu'elle m'a présenté... Pourquoi? Après la mort de sa... Oui, non, non. Ok, plein sa vie privée, oui. Oui, oui. Plein de choses, voilà. Mais je me suis dit, là, elle est vraiment à sa place sur scène et elle propose musicalement, artistiquement, quelque chose de puissant. Et là, si tu peux l'entendre, va l'écouter. C'est, oui, oui, c'est je très, la connais, très, oui. Très, oui. Très, très, oui. C'est vrai, c'est une fille qui a bien évolué comme garance. Ben oui. Elle prépare un cinquième album et on voit l'évolution. Je termine juste parce que sinon je vais me faire engueuler par mes copines, par un projet auquel je tiens énormément. Oui. C'est Loup-garou, dont je te parlais, je n'ai pas terminé, avec Raphaël Sodinos et Isabelle Turchevel. Et là, on reprend les chansons d'Anne, en les bousculant, en faisant quelque chose que s'approprie, en reprenant des interviews qu'elle a pu donner, des entrevues, et on parle en son nom. Ça commence en disant Anne Sylvestre, et là, oui, Anne Sylvestre. Oui, et hop, on commence à discuter et on entrelace avec des chansons. Ah, c'est bien. Voilà, c'est mis en scène par Véronique Vella, la Comédie Française. Ah ben, je veux. Ouais. Il faut qu'on arrive à porter ça parce que c'est un très, très beau spectacle. Et là, vous êtes rendu au stade embryonnaire? Non. On l'a présenté, on l'a joué dans plusieurs endroits déjà, une dizaine de dates. Et l'accueil? Et maintenant, il faut un producteur. Et l'accueil? L'accueil super, super déjà de la famille. Donc ça, c'est un gros cadeau, un grand velours, merci. Mais oui. Et puis les gens étaient très, très heureux parce qu'on se l'est approprié. Oui. Tu vois, c'est pas juste, on chante. Non, non, non. C'est... On la met en scène comme Depardieu Barbara. Exactement ça, voilà, dans cet esprit-là. Il a pris des brides, et c'était merveilleux. Puis en plus, c'est un homme qui parle d'une femme. On peut y trouver tous les défauts du monde. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. D'ailleurs, on le tacle un peu dans le spectacle à un moment donné. Oui, mais en même temps, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'on le dit, c'est un monstre sacré. Mais un monstre, c'est pas gentil. Un monstre, ça fait peur. Non. Donc oui, c'est un monstre, mais dans toute la beauté et la laideur de ce que peut être Depardieu. Oui, bon là c'est vrai que j'ai la limite que je peux amener, c'est qu'il y a plein d'affaires dans lesquelles il est vraiment impliqué en étant un monstre qui abuse des jeunes filles. Oui. Donc là, moi c'est ma limite, si tu veux, entre le personnage public, et puis l'homme. Mais le spectacle est incroyable, ce Barbara. Ah oui, bon, bien sûr. Mais à ce moment, voilà, ça m'excuse rien. Non, c'est comme Woody Allen, on va arrêter de l'écouter parce que c'est un pédophile. Tu sais, quand on a joué aux États-Unis, c'était l'époque Michael Jackson. Oui. Les gens nous ont interdit, les organisateurs, de jouer un pot-pourri. On faisait Michael Jackson en disant non, on veut pas. Mais non. Boycott. Mais ça, écoute, on va arrêter d'écouter James Brown parce que c'est un batteur de femmes. Ouais, c'est oui, quoi c'est là? Ou de lire Joyce parce que voilà. Ou Noir Désir parce que Bertrand Cantat. Je sais que c'est épouvantable, je le sais. Oui, c'est ça. Bon. Il a fait de la prison, il a payé, mais pas beaucoup pour certains, mais... Non, mais c'est toujours la vraie question, l'homme, l'œuvre, la femme, l'œuvre. Oui, voilà. Le mari de Marivonne était mon amant. Quelquefois, je m'en étonne encore maintenant. Au début, tout feu, tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait, tu es belle, après, comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marivonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Le mari de Marivonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrais sa femme qui me dit merci, depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marivonne est un vrai boudin. Quoi? Toujours elle me cramponne sans me dire rien. La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marivonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il avait dit. Quoi? Le mari de Marivonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marivonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais Et voilà que Marie-Yvonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. Oh, oh, la la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il apprenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marie-Yvonne a pu se recaser. Non. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira, tout est belle, après, comme avant. Il descendra la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Yvonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. Voilà, les gens ont des côtés sombres, ils vont passer toute leur vie, il y en a plusieurs qui vont passer toute leur vie à côté, et puis c'est après leur mort qu'on va se rendre compte que c'était une ci, un ça. Bien sûr, mais c'est vrai que voilà, si moi on me demande de former une équipe, comme j'ai pu l'avoir, je ne choisirais pas Depardieu. Non, okay, ouais, non, c'est ça. Même ouais. S'il est génial. Oui, oui, ouais. Puis il est pris de partout. J'aurais pas les moyens. Ah, ouais. Mais on peut être surpris, hein, parce que... Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Parce que quand il a fait Barbara, il n'y avait pas des 3-4 000. Des fois, c'était très, oui. Très simple. Ouais. Puis le disque, là, pas celui du spectacle, mais ben, quoi que le spectacle, c'est uniquement piano-voix. Il n'y a pas d'orchestre. C'est pas un groupe. Bon, ouais. Alors, c'est lui qui prenait tout le cacheton. Le pianiste, il restait. Il prenait c'était les miettes. Qui le pianiste? Je me suis. C'est pas Romanelli. C'était Romanelli. Ah, peut-être, oui. Oui, il me semble bien. Oui, oui. Ouais. Ben, alors, c'est pas n'importe qui. Non. Voilà. Alors, j'ai 10 questions et j'ai hâte de voir ça va nous mener. T'aimes ça, c'est des fous. Si tu étais un liquide. Un liquide, limoncello. Et qu'est-ce que c'est? Limoncello, c'est une boisson alcoolisée parce que c'était la boisson préférée d'Anne après les spectacles. Et toi, tu as appris à l'aimer? Ouais. Et c'est quoi? C'était synonyme de... Oh, je sais plus comment c'est. Est-ce que c'est fort? Combien de... Ah, c'est fort. Combien de degrés qu'avant? Oh, ouais, c'est très fort. Très fort. Et après, une c'était sorte de vraiment... miaule. Hein? Une miaule, de la miaule? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, voilà. Avec un goût de, forcément de citron très, très fort, très sucré. Et c'est... intimement lié à l'après-spectacle. Ça dégage les voix. Carrément. Et tout, l'esprit. Hein? On dirait que l'esprit brûle. Et ça. Au bout du 5e, 6e, tu te sens super intelligent. Ah oui. Ah ouais, tu dis des choses, tu refais le monde. Voilà. Mais comment t'appelles ça? Je vais m'en acheter. Limoncello. Limoncello. On en trouve-tu de quoi au Québec? Ah, je sais pas. OK. En tout cas, ici, t'en trouves. Oh, okay. Tu demandes limoncello, tu vas voir. Mais est-ce que je peux avoir ça à une boutique où on vend du vin? Je pense. Oui. OK. Minocello. Limoncello. Je te noterai ça sur... Ok, parfait. Non, je vais l'écrire moi-même. L-I... L-I-M-O-N. L-I-M-O-N. C-E-2-L-O. C-E-2-L-O. Ah, ok, parce que... Ok, ouais, il y a de la lime. Ah, il y a du citron. Limoncello, ok. Limoncello. Ou limoncello. Peu importe. Il va bien comprendre. Tu vas voir, c'est bon. Alors, si tu étais une ville... Une ville? Carcassonne. Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Et ouais. Et puis c'est toute ma famille, toute mon enfance. Donc, voilà. Mais moi, si je connais, c'est à cause de Stéphane Escher. Mais oui, Stéphane Escher, évidemment. Ouais. Évidemment. Est-ce que tu l'aimes? Super. J'aime beaucoup Stéphane Escher. Est-ce qu'il t'aime? Ah, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. J'aurais bien aimé. Okay. Mais il est encore vivant. Hein, il est encore vivant, donc rien n'est perdu. C'est ça, on va parler au présent. Mais moi, je parle beaucoup des morts au présent. Non, pas encore. Non. Ah oui, c'est un homme, et puis d'une vraie générosité. Et puis vraiment pas la grosse tête. Hein. Exact, c'est ça qui me et plaît. Et très humaniste. Très ça. Tu peux aller le voir après le spectacle, avant le spectacle, oui. Rien n'est barré, c'est comme Arthur Ashe. Ouais. Tu peux frapper à sa porte, il va accepter. Moi, j'ai un souvenir avec Stéphane Escher, tu vois, mon cousin avait eu un grave accident, vraiment très grave accident, et c'est un grand fan de Escher. Et ma cousine était allée voir, a réussi à transmettre un mot à Escher en disant « Mon cousin, papa bien, est-ce que tu peux ?» Et il avait pris le temps de... D'y aller ? Ouais, pas d'y aller, mais de lui transmettre quelque chose. Oh, et oui. Donc pour moi, voilà, je me dis, c'est un homme bien, quoi. Eh bien oui, puis en plus, on se sent un peu mieux hein, quand on reçoit un message de son... de l'artiste que l'on c'est aime ça. Et qui... C'est ça, c'est... il a fait ça, donc ouais. Vive Carcassonne. Si tu étais une langue... Une langue? Oui. Espagnol. Ouais. Oui. Est-ce que tu parles? Alors, je suis vraiment couillonne parce que j'ai été élevée par mes parents, bien sûr, et ma grand-mère qui était beaucoup là, qui était espagnole. Mon nom, ça veut dire... Mira vete, ça veut dire regarde et va-t'en. Mira vete. Et donc, ma grand-mère me parlait espagnol, donc je comprenais parfaitement bien. Et dès que je parlais, moi, espagnol, je n'y arrivais pas parce qu'on se moquait de moi, machin. Donc, j'ai arrêté de parler. L'accent, ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je le comprends parfaitement et je le parle comme une Française, quoi, avec un accent de merde et... Non, arrête. Écoute, nous, quand nous parlons, on a un accent, puis les gens disent, oh, non, garde ton accent. Oui. Fais pas ta Diantel ou ta... On en connaît des Québécois et des Québécois qui prennent l'accent. Rock voisine, c'est épouvantable. C'est vrai. Il retourne au Québec avec drôle. L'accent bien gros, c'est puis drôle. Il arrive là-bas avec un petit accent pointu. Ben pourquoi? Ben parce que le cacheton. Garou. Alors c'est là que tu te rends compte, là, on peut épurer les faux culs, il est vrai. Ah. Alors Robert Charlebois ne prendra jamais l'accent. Non. Diane Dufresne ne prendra jamais l'accent. C'est vrai. Et Linda Lemay, là? Ah, Linda, ben oui, elle aussi fait partie. Mais je peux pas trop en parler parce que Garance est une amoureuse de Linda Lemay, donc j'ai un respect pour Garance par le fait même. Est-ce que je peux dire une chose? Vas-y. Sur Linda Lemay? Tu sais qu'elle était, quand elle vient en France, son éditeur, elle faisait lever tout le monde à l'heure de Montréal pour pas changer son horaire à elle. Et donc toute l'équipe française devait s'adapter. Et donc quand Linda Lemay arrivait en France, c'était « Oh non, Linda Lemay arrive, il fallait tout changer les horaires. » Alors hein, alors tu vois la grosse tête. Ça reste entre nous. Oui. Alors, mais je fais pas de montage. Merde, je n'ai rien dit. Oui, c'est que c'était une époque. Là, maintenant. Oui. C'est bien, ça me va. Ben oui, sinon on n'aurait jamais pu se rencontrer. Non, c'est super. Et voilà. Si tu étais un mot... Incongruité. Oh. J'aime bien ce mot. J'aime bien plein de mots. Je suis une amoureuse des mots, donc... Non, mais en même temps, la vie est comme ça, est incongrue. Oui, c'est ouais. Ça. Et toi, ça change tout le temps, parce que c'est vraiment ça, c'est ce lien aux mots depuis toute petite. Comme Nougaro, comme Gainsbourg. Je prends un truc et je vais le chercher et je le défais dans son petit... Tu sais, comme un bonbon. Et tu le reconnectes avec un autre mot, tu essaies de voir qu'est-ce que c'est, la réaction. Oui, exactement. Alors, c'est les mots qui amènent les idées. Oui. Ah oui. Toujours. Ah oui. Toujours ça. Et ça fait une écriture explosive, contrairement à l'idée que tu veux d'une création et tu y tiens, tu sais, tandis que le mot qui amène les idées... Et je dirais une chose, moi, en tant que compositrice, je suis inquiète pour ton heure. Non, non, en tant mais moi, que je compositrice, quand je vois un texte de chanson, il n'y a pas la musique encore que je vais créer, et je le lis, et si les mots s'entrechoquent, s'ils ont déjà à l'intérieur leur musique, je me dis ça va être facile à mettre en musique. Quand c'est bien écrit, quand d'emblée ça sonne sans la musique, en revanche, j'ai pu avoir entre les mains des textes un peu moins bien écrits, et ça ne loupe pas. J'aurais un mal de chien à mettre une musique dessus. Ouais. Parce que ça ne veut pas. Ça ne veut pas. C'est mal écrit, ça ne sonne pas. Les mots ne sont pas... Mais c'est peut-être voulu comme ça. Ça ne devait pas rentrer dans ta... Ouais, ouais. Dans et c'est très univers. Difficile. Ouais, ouais. Et donc voilà, j'ai toujours eu ce goût et cette envie de travailler sur les mots. Ouais. Bien avant, en même temps que la musique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à accompagner des chanteurs, ils m'amenaient leur grille, ok? Je dis, mais... Et les paroles, elles sont où? C'est ça. Et ils me disaient, mais t'es bien la première pianiste ou le premier pianiste à me demander des paroles. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? C'est ça, la qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que tu veux que je joue? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Si j'ai pas les paroles. Si j'ai pas les paroles. Je suis nourrie de quoi? De rien. Un facette, si bémol, mi bémol diminué, on s'en fout, quoi. Il faut qu'il soit en lien avec du sens. Ouais, c'est vrai. Si tu étais un aliment. Un aliment. J'adore manger. Ça paraît pas, hein. Écoute, un aliment. Oh. Ça peut être plusieurs aliments en même bah temps. Oui. Alors, c'est une salade. Oui. Une salade. Mangue, crevette, avocat à la sauce soja. C'est juste ça, c'est un dernier truc. Ça explose dans la bouche, c'est tellement bon. Voilà, ça doit donner soif. Oui, mais c'est tu bois, en ce moment-là, ouais, c'est bien. Ah ouais, pas un limoncello, non, c'est trop tôt. Mais c'est une raison pour boire. Si tu étais une saison. L'automne. Toi, t'es une épicurienne. Oui. Ah oui. Oui. Bah sinon, à quoi bon, c'est ouais. ça. À quoi Puis bon ton vivre. Mari aussi. Il est encore pire que moi. Ok, ok. Alors là, il faut que tu le rencontres. Ben oui. Parce que Pierre Margot, tu vas voir. C'est un. Je dis ça, c'est parce que c'est mon mari. Il est merveilleux. Okay. C'est un oh, comédien. C'est bon. Ah non, mais c'est vrai. C'est un. Moi, j'ai, à 38 ans. M-A-R-G-O-T. M-A-R-G-O-T. Tu sais, moi, à 38 ans, j'ai dit les hommes, c'est terminé. Je veux plus d'hommes, c'est terminé. Maintenant, je fais de la musique, c'est fini. Et le soir même de ce jour où j'ai dit c'est terminé les hommes, j'ai Pierre rencontré mon futur mari. Ton amoureux. Mon amoureux. C'est et bon on s'est trouvé. On s'est trouvé, c'est amoureux. On ouais. s'est trouvé, on s'est regardé, on a commencé à parler dans un bistrot comme ça. Et depuis, on n'a pas arrêté. Mais c'est un truc de malade mental. Parce que quand tu en parles, tu as les yeux en forme de cœur. Oh. C'est beau. Mais rencontre-le, il a écrit une pièce, La Racine de Troie. C'est juste une splendeur absolue. Est-ce qu'il l'accepterait, oui? Oui, okay. bien sûr. Tu vas m'aider un peu. Ah, il est super. Ok, okay. Bah, j'en doute pas si vous êtes ensemble. si tu étais un membre corporel. Ah, les mains. Oui. Puis le pianiste, pas de. Pas Est-ce de que bras. Tu fais attention à tes mains? Oui. J'ai pas attention. Bah oui. Bah oui, parce que s'il arrive quoi que ce soit, bah je peux plus m'exprimer. Est-ce que tes mains sont assurées? Non. Ok. Mais je sais. Non, mais ça paraît fou, mais. Mais j'y ai pensé, mais je suis pas. Je sais pas faire les choses comme okay. ça. Ok. Mais je devrais. Ouais, ouais. Le cœur entre deux âges, mais plus près de l'un que de l'autre. Le corps entre deux chaises, mal à l'aise, mon vôtre. Tu portes le deuil du monde, en berne sur la frime. Mais t'as la bouille toute ronde, 13 ans, très enfantine. Tu te teins d'idées noires sous tes boucles d'orgueil. Tu te mets du rouge à lèvres et puis le doigt dans l'œil. 13 ans, Lady de 13 ans. On t'arrache un sourire comme on t'arrache une dent. Entre la trousse d'école et celle à maquillage, 13 ans, chantage. Tu te vautres en chocolat, mais toujours au régime. Madame ou Camélia, 13 ans, très androgyne. Et puis, comme t'as pas de sein, du coup, tu manges plus rien. L'éternel féminin, c'est pas fait pour les chiens. Et tu fais plus grand chose à part bien sur la gueule. Ce que vivent les roses, tu t'en fous, t'es toute seule. En gros pull à la mer et d'un coup vente à souhait. Pour les amis de ton père, 13 ans, très enchanté. T'as des tongs en hiver et ça fait chier ta mère. 13 ans, très en colère. Et puis il y a l'amour un peu passionnément. Entre la cour d'école et puis la cour des. Grand, 13 ans pressé, t'es tombé sur les genoux du seul qui te plaisait. Bref, celui qui s'en fout. C'est dur d'aimer quelqu'un quand on peut pas le sentir. Connaître 3 mots d'amour, personne à qui les dire. Mais quand on aime un mec, et même si c'est un con, on pleure au nom du Saint-Esprit de contradiction. Et tu fumes la télé en regardant la moquette. 13 ans douillette. Tu hurles avec les loups, c'est mieux qu'avec les chiens. À présent, qu'à 13 ans, tu rêves, parti trop loin. 13 ans, très angoissé par ton père et ta mort. 13 ans, très engueulé, c'est l'âge du plus fort. Et tu mords tes blessures, tu cries 13 ans rageuse. Nos futurs, c'est plus sûr, 13 ans merdeuse. Les nerfs à fleur de peau, 13 ans tété. T'as l'air d'une fleur en pot, 13 ans poté. Madame de 13 ans, c'est vrai qu'on s'aimait pas. 13 ans brouillé. 13 ans, très enterré. Je me souviens de toi. 13 ans volé. Si tu étais. Moi, en plus, il y a des actrices qui ont les jambes qui sont assurées. Ouais, voilà, ouais, c'est mais ça. C'est vrai, on m'a dit ça, mais bon. Mais on devrait assurer le génie, mais je sais pas si c'était ça. Si tu étais un moment de la journée. Oh, je pense que c'est tout début de la nuit, c'est-à-dire vraiment 1h du matin. OK. 1h du matin, à partir de là, on peut commencer à discuter. OK. C'est bien. Alors, tu dors pas beaucoup? Ah, je suis un oiseau de nuit. OK. Vraiment. C'est là, pour moi, le monde. Comme commence. Barbara. Ouais. J'adore ça. Puis, tu te lèves tôt? Ben, ça dépend. Chaque journée est différente. J'ai des périodes où je me dis je vais me lever tôt, donc je me lève. Mais comme aujourd'hui, tu t'es levé très tôt. Je me lève tôt, mais des fois je me lève tôt, mais après arrivent des concerts et ça se redécale. Donc. Est-ce que tu t'es couché tard hier? Non. Okay. Non, parce que je me suis dit, là, faut pas que je le loupe, ça fait tellement longtemps. Non, non, oui, je ne suis pas, c'est tard. Et trois fois, je crois qu'on a annulé trois fois. Oui, ouais, donc ça suffit, quoi, à un moment donné. Oh, c'est gentil. Si tu étais un autre individu. Un autre individu, mais pourquoi? Mais pourquoi ces questions? Non, j'ai du taf, là, avec ma vie à moi. Et puis la prochaine vie, j'aurai, je serai un autre individu. Okay. Donc non, je crois. C'est trois. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Il y a des conneries que j'évite, pardon, hein, que j'éviterais. Parce que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de... que je me suis infligée, mais que j'ai infligée à d'autres. Il y a des erreurs, je trouve. Ce n'est pas des regrets, c'est juste de dire, si j'avais recommencé, je ferais autrement. Voilà. Est-ce que tu es une fille à mille projets, ça ne s'arrête jamais? Ouais, je me fatigue souvent. Je m'auto-fatigue souvent. Et puis Pierre, comment il voit ça? Oh ben lui, ça va, il est content de ça. Oui, on fonctionne bien comme ça. Alors ça doit vibrer chez vous? Oh, très fort. Tu sais que je fais du feng shui, donc ça vibre très haut. Hein. Oui. Et quels sont tes projets? Plein. J'en ai plein. J'ai Avant, est-ce que tous ces projets-là, tu les mets à terme ou t'en as beaucoup qui ne se réaliseront jamais? Je les mène à terme. Okay. C'est super important. Avec Pierre, là, un prochain projet sur la Locandiral Goldoni. Oui. Ça, mais ça, j'y crois à fond. C'est un spectacle musical, c'est magnifique. Les castings sont faits, les auditions sont faites. On commence à travailler pour la 2024-2025. Mais j'y crois. Mais je ne peux pas faire un truc si je ne vais pas au bout. Mais ça, il faut que ça aille au bout. Est-ce que c'est dur de trouver des gens qui vont vraiment aller selon ce que tu as comme idée? De le voir là, puis c'est lui que je vois, donc on le prend. Parce que si un autre met la main dessus... Oui, c'est toujours difficile. Est-ce que c'est compliqué ou tu es tellement ouverte, ça dépend de l'humain, de la personne qui vient te voir? Il ne faut pas avoir de laisser ouvert. Après, des fois, ça oblige à s'adapter. Et c'est bien de s'adapter aussi. Se dire, je n'avais pas pensé ça, mais qu'est-ce que c'est bien, tu vois? Donc, non, il n'y a pas de choses où je me ferme. Ouais. Qu'est-ce que je devrais te souhaiter pour l'avenir? De l'amour. De l'amour. Plein d'amour. Ah oui. Mais t'en as déjà beaucoup d'amour. Ouais, mais jamais trop. On n'a jamais assez, ouais. Pour moi, c'est ça le fondement de tout. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Et de cette relation de toi, t'es merveilleux. Ouais, toi aussi, c'est merveilleux. Ce que tu donnes. Mais non, mais vraiment. Mais toi aussi. Ah, écoute, alors on est plein d'amour. Non, mais ça fait bisounours, mais c'est vrai, c'est important. Non, mais les gens qui sont comme nous, on s'attire. Ouais. Sinon, on n'a pas d'intérêt. C'est vrai. On va vers un autre chemin. Mais c'est vrai. Ben oui, donc, on est des vaches communicants. Merci à toi. Ben, merci à toi d'avoir accepté, enfin. Enfin. Ça fait 10 ans peut-être qu'on se... 10 ans, oui. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Il est un peu marié, mais je l'ai dans la peau. C'est si bon d'être aimé, chaque fois qu'il est dispo. Son mec à moi, c'est celui qu'il te faut. Il est timide et si discret qu'on ne se voit presque jamais. C'est pas gagné, mais en amour c'est bien connu. J'ai une veine de cocu. Même qu'il va bientôt divorcer, dès que ses gosses auront le bac. Et si sa femme n'est plus cardiaque, épileptique et névrosée, alors bien sûr, je fais la gueule. Ça fait 10 ans qu'il me dit ça, mais je le crois. De 5 à 7, il est honnête, il l'a même juré sur ma tête. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Sa femme à l'opéra, puis moi à l'apéro. J'ai très peur quelquefois qu'il devienne schizo. Son mec à moi, c'est celui qu'il te faut. Il a un yacht et 3 voitures, une villa sur la Côte d'Azur et 2 chalets. Mais pour ne pas me complexer, il me laisse toujours tout payer. Alors bien sûr, j'ai le bichonne, et comme il est très possessif, j'ai plus d'amis, je vois plus personne, et je m'habille comme une quiche. Mais bon, j'assume, je ferme ma gueule, et je piétine ma dignité. Faut bien avouer que ma dignité, elle aussi, rêverait d'un week-end avec lui. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. pour lui faire réviser ses devoirs conjugaux. Il est tellement pressé qu'il repart au galop. Son mec à moi, c'est celui qu'il te faut. Il a tant d'imagination que quand il me donne un prénom, c'est jamais le bon. Mais ce soir, quand il m'a sorti, allez pupus, on va au lit. J'ai regardé sur le sofa, sous les tapis, sur le balcon, et aucun doute, c'était bien moi, la seule pupus dans le salon. Alors je lui ai cassé la gueule, et j'en ai fait une œuvre d'art impressionniste. Il croulera sous les rancards, mais uniquement chez le dentiste. Et puis c'est bien fait pour sa gueule. Ah, en route pour la déchetterie, l'homme de ma vie. Faut savoir être écologique avec un mec aussi toxique. Et comme il est biodégradable, alors je l'ai biodégradé, je l'ai recyclé. Son mec à moi, quel seul garde, il ne faut pas se faire polluer quand on est une femme objet. Oh. Issu du commerce équitable. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.